Neuvième chapitre, l'étang de la Trémelay. Il y avait 6 mois que Nicolas Trémelle était parti. Personne ne savait en Bretagne ce qu'il était devenu. Les gens de la forêt le regrettaient parce qu'il était bon maître et priaient Dieu pour le repos de son âme. Un soir d'automne, Hervé de Vaunois jeta sa canardière sur son épaule et prit le petit Georges par la main. En cet équipage, il se dirigea vers l'étang de la Trémelay. Job marchait sur ses talons. Il suivait Georges. De temps en temps, Hervé de Vaunois regardait du coin de l'œil le fidèle animal, et ce regard annonçait des dispositions qui n'étaient rien moins que bienveillantes. Georges courait dans l'herbe où cueillait les fleurs d'or des genêts. Ses cheveux blonds flottaient au vent du soir. Il était gracieux et charmant comme la joie de l'enfance. L'étang de la Trémelay est situé à l'ouest et à un quart de lieue du château. Sa forme est celle d'un vaste trapèze dont 3 côtés appuient leurs bordures d'aulnes à de grands taillis, tandis que le 4e, coupé en talus escarpés, porte à son sommet un bouquet de futaies. Du point central de ce talus, qui surplombe par suite d'éboulements anciens, s'élance presque horizontalement le tronc robuste et rabougri d'un chêne noir dont les longues branches pendent au-dessus de l'eau et couvrent le quart de la largeur de l'étang. C'est vis-à-vis de ce chêne et à quelques toises de ses dernières branches que la pièce d'eau atteint sa plus grande profondeur. Le reste est fond de vase où croissent des moissons de joncs et de roseaux que peuplent vers le commencement de l'hiver des myriades d'oiseaux aquatiques. Sur la rive occidentale de l'étang de la Trémelay s'assied maintenant une petite bourgade avec chapelle et moulin, mais à l'époque où se passe notre histoire, ce lieu était complètement désert, et il était bien rare qu'un passant vînt troubler les silencieux ébats de ses sarcelles ou de ses tanches. Monsieur de Vaunois ouvrit le cadenas d'un petit bateau, plaça Georges sur l'un des bancs et quitta la rive. Job, sans y être invité, franchit d'un bond la distance et s'installa au pied de l'enfant. Après quelques coups de rame qui le portèrent au milieu de l'étang, monsieur de Vaunois arma sa canardière et jeta autour de soi un regard de chasseur novice. Un plongeon montra sa tête noire entre les roseaux. Hervé fit feu. Le bruit du coup fit tressaillir Job. L'odeur de la poudre dilata ses narines. Il se dressa sur ses 4 pattes et darda son regard dans la direction des roseaux. « Cherche-la, cherche !» dit doucement monsieur de Vaunois. « Vous savez l'histoire de la chatte métamorphosée en femme. Une souris se montre et Minette de courir à 4 pattes. » Job, excité dans son instinct, bondit hors du bateau, laissant Georges effrayé du bruit sur son banc. « Cherche-la, cherche !» répéta monsieur de Vaunois qui rechargeait vivement sa canardière. Le chien cherchait, mais il n'avait garde de trouver le plongeon dont la santé n'avait aucunement souffert. Monsieur de Vaunois épaula de nouveau sa canardière. « Regarde donc ce grand chêne, Georges, » dit-il. Pendant que l'enfant était retourné, le coup partit. Job poussa un hurlement plaintif et se coucha, mort, dans les roseaux. « J'ai vu derrière les feuilles du chêne, » dit l'enfant, « une grande figure blanche qui nous regardait. » Vaunois jeta vivement les yeux vers l'arbre, mais il n'aperçut rien. « Regarde encore, » dit-il d'une voix pateline. Puis il grommela entre ses dents. « Cette fois, le maudit chien ne reviendra pas. »« Tiens !» s'écria Georges. « Voilà encore la figure blanche !» Vaunois était dans l'un de ces instants où l'homme a peur de son ombre. La nuit tombait rapidement. Il compta du regard les feuilles du chêne noir et n'aperçut rien encore. L'enfant s'était sans doute trompé. La main d'Hervé tremblait néanmoins tandis qu'il déposait sa canardière au fond du bateau pour prendre les rames. Il se dirigea lentement vers le point de l'étang qui fait face au grand chêne. En cet endroit, l'eau tranquille et plus sombre annonçait une grande profondeur. Vaunois cessa de ramer. Il appuya sa tête sur sa main. Sa respiration était oppressée. Des gouttes de sueur coulaient sur son front. Quand il se redressa, la nuit était tout à fait venue. À deux ou trois reprises, il étendit sa main vers Georges, et chaque fois sa main retomba. Enfin, il fit sur lui-même un violent effort. « Eh bien, dit-il d'une voix étouffée, ne vois-tu plus la grande figure blanche ?» L'enfant tourna la tête. « Si, répondit-il, la voilà !» Tandis qu'il parlait encore, Vaunois le saisit par derrière et le précipita dans l'étang. Au même instant, une longue forme blanche se montra en effet dans le feuillage du chêne, mais Vaunois ne put la voir, occupé qu'il était à fuir vers le bord à force de rames. La lune, qui se levait, jeta ses premiers rayons par-dessus les taillis et vint éclairer le pâle visage de Jean Blanc. Au moment où Vaunois atteignait la rive, l'albinos se laissa glisser le long d'une branche flexible qui pliait sous son poids et retombait au ras de l'eau. À l'aide de ses pieds, il imprima un mouvement de fronde à ce balancier, puis, ouvrant les mains tout à coup, il se trouva lancé tout près de l'endroit où Georges avait disparu. Vaunois entendit sans doute le bruit de sa chute, mais plein de cette superstitieuse terreur qui suit et venge le crime, il se boucha les oreilles et s'enfuit éperdu. Quelques secondes après, Jean Blanc revint à la surface, ramenant l'enfant évanoui. Le blafard visage de l'albinos avait une expression d'allégresse délirante lorsqu'il toucha le bord. Il prit sa course, serrant convulsivement l'enfant dans ses bras, et ne s'arrêta que lorsqu'il eut mis une large distance entre lui et le château de la Tremblay. « J'étais là, » disait-il en riant. « Je savais qu'on ferait du mal au petit monsieur. Maintenant, il est à moi. Je l'ai gagné. J'étais là pour que le fort ne tuât point le faible, comme dans la chanson d'Arthur de Bretagne. » Ceux qui connaissaient le pauvre Jean Blanc eussent vu dans ses paroles entrecoupées le symptôme précurseur de l'un de ses accès. Lui-même sentait vaguement l'approche d'une tempête intellectuelle, car sa joie tomba tout à coup. Il fit halte au milieu de l'une des routes de la forêt et déposa Georges sur le gazon d'un talus. L'atmosphère était froide. Une abondante rosée descendait du faîte des arbres à demi dépouillés de leurs feuilles. Arthur restait sans mouvement. Ses membres étaient raides et glacés. Une livide pâleur couvrait son joli visage. « Il faut qu'il s'éveille !» grommelait Jean Blanc en tâchant de le réchauffer sur son sein. « Il le faut, Sainte Vierge, réveillez-le » Ce disant, il se dépouillait de son juste au corps de peau de lapin cousu et s'en servait pour envelopper le corps transi de l'enfant. Sa poitrine haletait, ses yeux devenaient hagards. Il luttait contre l'accès de folie qui envahissait ses chancelantes facultés. « Sainte Vierge » cria-t-il enfin avec désespoir. « Donnez-moi le temps de l'éveiller, je fais vœu !» Un irrésistible rire interrompit cette ardente invocation. Par un dernier éclair d'intelligence, il ôta de sa poitrine une médaille de cuivre qui portait l'empreinte vénérée de Notre-Dame de Miforêt et la passa au cou de l'enfant toujours inanimé. Aussitôt après, emporté par sa fièvre folle, il se jeta tête baissée, gambadant, riant et chantant au plus épais du fourré. L'enfant évanoui resta à la garde de Notre-Dame. L'accès de Jean Blanc fut long, parce que l'émotion qu'il avait provoquée avait été puissante. Pendant plus d'une heure, il courut les taillis en répétant son étrange refrain « Je suis le lapin blanc, le lapin !» Au bout de ce temps, sa fièvre se calma. L'albinos sentit revenir ses idées et le souvenir de Georges emplit tout à coup son cœur. Il s'élança, renversant tout obstacle sur son passage et retrouvant sa route par une sorte d'instinct, en quelques minutes il atteignit l'allée. Son cœur battit de joie car un rayon de lune, passant au travers des branches, éclairait un objet blanc sur le talus. « Georges » cria-t-il. Georges ne répondit point. Jean Blanc franchit en deux bonds la distance qui le séparait du talus et tomba sur ses genoux. « Georges !» dit-il encore. Et comme l'objet blanc restait immobile, Jean le toucha. C'était son juste corps de peau. L'enfant avait disparu. Fin du prologue.